moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la nature et ses différents imaginaires. Durant tout cet été, la conversation scientifique explore les différentes facettes de l'imagination, de l'imaginaire et du rêve. Nous voulons ainsi donner un corps radiophonique à la thèse de Gaston Bachelard, selon laquelle raison et imagination agissent toujours de conserve. Elles se conjuguent en somme comme la voile et la dérive d'une embarcation. Chacune d'elles, si on la met en œuvre isolément, ne permet guère d'avancer, mais actionnées ensemble, elles impriment une progression. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents rapports que l'on peut avoir avec ce que nous autres en Occident appelons la nature. Nature que nous pourrions aussi définir comme le monde non humain. Ce monde est constitué de tout ce avec quoi nous sommes en interaction, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les virus, l'air que nous respirons, le CO2 de l'atmosphère, le gibier que nous chassons, les glaciers s'il y en a dans notre environnement, et beaucoup d'autres choses encore. Les ethnologues ont montré une chose importante, décisive, l'équivalent pour eux sans doute de ce qu'a représenté la découverte de l'atome pour les physiciens. Cette découverte, c'est que, mis à part la société occidentale, aucune autre société humaine ne cohabite avec le monde non humain sur le mode de la séparation. Il n'y a pas la nature d'un côté, une nature qui serait close sur elle-même, et de l'autre côté l'humanité qui serait une entité à part, installée avec sa culture à l'intérieur de la nature, le plus souvent dans une position de surplomb. En d'autres termes, partout ailleurs qu'au sein de l'Occident moderne, les frontières de l'humanité ne s'arrêtent pas aux portes de l'espèce humaine, comme l'a écrit Philippe Descola. S'y trouve également inclus l'ensemble des corps associés que je viens d'évoquer, ces entités que nous considérons, nous, comme subalternes et que nous reléguons pour cette raison dans une simple fonction d'entourage. À rebours de nos propres habitudes de pensée, dans toutes les autres cultures, les entités du monde non humain sont considérées et traitées comme de véritables partenaires sociaux avec lesquels on peut composer de mille manières différentes. Ce sont ces autres façons de penser et d'imaginer que nous voulons aujourd'hui interroger. Et pour ce faire, j'ai invité Philippe Descola. Bonjour Philippe Descola. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes professeur émérite au Collège de France, vous avez obtenu la médaille d'or du CNRS. On vous présente parfois comme le successeur de Claude Lévi-Strauss, que vous avez bien connu et qui a été, je crois, votre directeur de thèse. Tout à fait. Vous avez publié plusieurs livres marquants, notamment en 2005, un ouvrage intitulé « Par-delà nature et culture » et plus récemment un livre d'entretien que vous avez eu avec le philosophe Pierre Charbonnier, livre intitulé « La composition des mondes » et encore plus récemment « Les formes du visible », ouvrage dans lequel vous examinez les différentes formes de figuration, le statut des images et le spectre des imaginaires. C'est cet ouvrage-là qui constituera la trame de notre conversation, mais je crois que vous avez publié encore plus récemment, Philippe Descola, un livre intitulé « Ethnographie des mondes à venir » avec Alessandro Pignocchi, en 2022, je crois, qui est un livre, une sorte de manifeste. Oui, c'est un manifeste politique. Que je n'ai pas lu, mais vous voulez peut-être nous dire en quelques mots ce qu'on y trouve. C'est un livre qui essaye de tirer les conséquences de ce que l'anthropologie et l'histoire nous apprennent sur d'autres façons de faire des mondes et qui les met, ces autres façons de faire des mondes, en contraste avec la nôtre et qui essaye, à partir des informations disponibles, d'imaginer des formes alternatives de rapport au monde différente de celle que le capitalisme moderne a instituée, qui s'inspire aussi beaucoup d'expériences de collectifs alternatifs ou de façon différente d'occuper des territoires qui ont été mis en œuvre en Europe et en France en particulier par les zones à défendre, notamment Notre-Dame-des-Landes. Et donc c'est un livre qui se veut porteur d'espoir en examinant ce que ont à nous apprendre de nouvelles façons de tisser des liens avec notre environnement et de vivre la condition humaine de façon plus égalitaire à partir des trésors d'imagination précisément que d'autres civilisations ont déployés ou que des militants de ci, de là, en France. Mais est-ce qu'on pourrait dire que vous faites, par une sorte d'inversion des rôles, une ethnographie de notre propre société ? Les ethnologues le font toujours de façon implicite, c'est-à-dire que lorsqu'on part sur le terrain, comme c'est mon cas, très loin en Amazonie et que on partage la vie de gens dont les valeurs et les institutions sont très différentes des siennes, lorsqu'on revient, on ne peut manquer d'être saisi par le caractère souvent inique, mal adapté, inégalitaire, injuste de la société que l'on a quittée, où l'on a été élevé dans sa jeunesse et où peut-être on avait déjà, vis-à-vis de laquelle on avait des doutes et des critiques, mais ces doutes et ces critiques deviennent tout d'un coup éclatants par contraste avec les mondes le monde que l'on a habité pendant un moment. Et je crois que c'est une expérience que tous les anthropologues traversent. Pour moi, elle a été décisive. Je n'ai jamais réussi à me réhabituer complètement dans le monde où je suis revenu. C'est un peu un paradoxe pour un mandarin dans mon genre, un professeur au Collège de France. Mais d'une certaine façon, je pense que nous sommes tous clivés. Nous avons une partie de notre personnalité qui joue un rôle sur le théâtre de la vie sociale. Et une autre partie qui observe au fond cette manière d'agir en public avec un certain détachement et voire un regard ironique. Et je crois que c'est mon cas. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Philippe Descola, je vais vous poser une question qu'on a dû vous poser 10 000 fois, mais je me lance quand même. Vous l'avez rappelé, vous avez vécu au milieu des années 70 avec les Jivaro Achuar dans la partie équatorienne de l'Amazonie. D'où vous est venue cette idée et pourquoi eux ? Pourquoi les avez-vous choisis ? Alors l'Amazonie, d'une manière générale, c'était une partie du monde très énigmatique à l'époque et qui le demeure encore en partie. Énigmatique parce que la plupart des textes dont on dispose très tôt après le début de la conquête des basses terres, qui n'a vraiment été achevé qu'au XVIIIe siècle, et encore pas toujours. Ces textes des chroniqueurs européens mettent l'accent sur le fait que les populations des basses terres d'Amérique du Sud sont dépourvues des institutions qui sont les plus communes en Europe, et qui étaient les plus communes notamment au moment du début de la conquête. Des populations sans foi, sans loi, sans roi, c'est-à-dire sans religion révélée, sans temple, sans administration, sans chef la plupart du temps, quelquefois vivant en habitat dispersé et surtout se faisant la guerre de façon permanente. Autrement dit, même si la guerre civile n'était pas inconnue en Europe, l'état d'anomie, pour employer une expression de la sociologie, une expression classique de la sociologie, c'est-à-dire l'absence apparente de normes, avait frappé beaucoup les observateurs. Et d'autre part, ces observateurs avaient aussi remarqué que ces populations semblaient être comme des sortes d'extensions de la nature, c'est-à-dire qu'ils étaient en somme hyper adaptés à leur environnement, ils semblaient travailler très peu, et d'autre part, ils semblaient dans leur pratique manifester une sauvagerie ou une brutalité qui en faisait quasiment des sauvages, comme on a employé l'expression pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc cette double caractéristique, pas d'institution, pas de socius, et en même temps une indistinction vis-à-vis de la nature, ça s'est poursuivi pendant longtemps, jusqu'au XXe siècle même. et ça présentait un caractère énigmatique. Mais comment vous le saviez qu'il vivait ainsi ? Parce que la description des populations des basses-terres d'Amérique du Sud a commencé bien avant que l'ethnologie scientifique ne... Mais alors, qu'est-ce qui a fait que l'étudiant que vous étiez alors s'est intéressé à ces populations ? C'est pas le cas de tout le monde. C'était une série de hasards. Probablement, le premier déclic, c'est la lecture de Triste Tropique de Lévi-Strauss. Qui m'avait intéressé d'ailleurs moins pour la partie ethnographique que pour le talent littéraire et l'admirable personnalité que Lévi-Strauss dépeignait dans cette autobiographie intellectuelle. Donc l'intérêt pour l'ethnologie est né ainsi. Et dans l'ensemble des lectures que j'ai pu faire progressivement, j'étais étudiant en philosophie et je lisais outre la philosophie classique pas mal d'ethnologie. Et dans l'ensemble des lectures, celle qui concernait l'Amazonie était celle qui m'attirait le plus parce qu'on y trouvait une sorte d'anarchisme tranquille fondé sur la... des discussions plutôt métaphysiques entre des gens qui passaient une grande partie de leur temps à évoquer les origines du monde et l'état présent des choses à travers des mythes. Et c'était une façon de passer son temps qui me paraissait intéressante. Et c'est comme ça que j'étais attiré par l'Amazonie. Dans votre livre qui suscite notre entretien, qui s'intitule Les formes du visible, on trouve une exergue qui est adressée à vos parents et grands-parents, dont vous dites qu'ils vous ont appris à poser des questions aux images. Alors, comment est-ce qu'on apprend à un enfant à poser des questions aux images ? Quelle a été leur stratégie ? Alors, ils n'ont pas fait directement. Il se trouve que ma grand-mère et son père étaient peintres et que donc j'ai fréquenté très tôt des ateliers, que j'étais très tôt frappé par cette pulsion étrange d'avoir à figurer le monde selon des codes qui changent au fil du temps. Et j'ai beaucoup visité de musées avec mes parents et mes grands-parents quand j'étais enfant. J'étais inscrit très tôt aux arts décoratifs où j'ai appris les rudiments de la peinture et du dessin. Et donc j'étais immergé dans les images très tôt. Et très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait des images de diverses sortes et que ce que les unes représentaient, d'autres s'abstenaient bien de le faire, et que donc chacune de ces images était comme une sorte de fenêtre, c'est une image classique en histoire de l'art, sur le monde, mais des fenêtres dont la forme et le degré de transparence variaient. Et c'est cet intérêt, au fond, qui très tôt s'est dessiné en moi et que j'ai entretenu en lisant beaucoup d'histoire de l'art, qui m'a poussé à écrire le livre auquel vous faites allusion. Oui, vous dites, d'ailleurs, je crois que c'est l'introduction du livre, vous dites que vous avez baguenaudé dans le monde des images. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une image montre que les mots ne peuvent pas dire ? Une image montre des façons d'organiser l'espace visuel d'une manière tout à fait singulière et contrastive. Je vais en donner un exemple. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser de façon un peu systématique aux images, je me suis aperçu que du caractère monoperspectiviste de la figuration européenne à partir du XVe siècle. Monoperspectiviste, c'est-à-dire que l'image est une émulation de la vision humaine qui offre sur un être ou sur une scène un regard qui est orienté par le regard du peintre et du spectateur. Or, quand on regarde les autres images dans d'autres traditions, on s'aperçoit qu'elles sont presque toutes polyperspectivistes, c'est-à-dire qu'elles représentent autant d'ouvertures simultanées dans une même image sur un même être ou sur une même scène. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas véritablement pris conscience avant de faire une enquête systématique. Même au Moyen-Âge, on a par exemple des images qui représentent une scène à la fois vue d'en haut, vue de face, vue sur le côté, et donc qui multiplient les approches et les aperçus sur ce qui est dépeint. et de façon, au fond, à multiplier les qualités que l'on cherche à montrer. Alors que la vision monoperspectiviste de la figuration que j'appelle naturaliste, elle vise à émuler la vision humaine et donc à sélectionner le type de qualité qu'un humain peut apprécier, qui en fait des images qui sont très anthropocentrées d'une certaine façon, alors que la plupart des images ailleurs sont des images qui visent à figurer un point de vue qui n'est non seulement celui d'un humain qui regarde ou fabrique l'image, mais qui sont aussi ceux de non-humains, d'esprit, de divinités, de plantes ou d'animaux. Est-ce que ce que vous dites là, Philippe Descola, fait écho à cette phrase de Maurice Merleau-Ponty, que vous citez d'ailleurs, qui écrivait « Le propre du visible est d'avoir une doublure d'invisible qui rend présent comme une certaine absence ». Est-ce que ça fait écho à ce que vous venez de dire ou est-ce que j'ai mal compris ? Non, vous avez parfaitement bien compris. Les images révèlent des formes de construire des mondes que les mots peinent souvent à décrire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis tourné vers les images, après avoir m'être efforcé dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, « Par-delà nature et culture », de mettre en évidence des formes de mondiation, des façons de faire monde que j'avais isolées à la lecture de textes, c'est-à-dire en utilisant le régime discursif, que ce soit des mythes, que ce soit des descriptions de rituels, que ce soit des traités médicaux ou bien des essais philosophiques, je me suis dit que si les propositions sur le pluralisme ontologique, c'est-à-dire le pluralisme des façons de construire des mobiliers du monde, étaient robustes, eh bien je devais pouvoir retrouver ces différentes façons dans les images. Et c'est la raison pour laquelle je me suis plongé dans les images. Ça veut dire que les images proposent un mécanisme par lequel une présence peut faire surgir de l'absence. Mais cette absence que l'image fait surgir, j'imagine qu'elle dépend de la culture. Elle dépend de la culture au sens large, c'est-à-dire elle dépend de des façons dont une civilisation va sélectionner tel ou tel aspect du monde pour lui donner une signification ou pour en faire une partie du mobilier au sein duquel elle déploie son existence. Et ce mobilier, c'est pas nécessairement un mobilier qui est décrit de façon littérale, c'est-à-dire on figure tel ou tel aspect, telle ou telle divinité, ce sont des processus. Pour prendre un exemple, dans une façon de faire monde que j'ai découvert en Amazonie, que j'ai appelé ensuite animisme, en utilisant un terme déjà bien employé par les anthropologues et même un peu discrédité à l'époque, ce qui compte, c'est la capacité de métamorphose, c'est-à-dire de varier l'aperçu que l'on a ou le point de vue que l'on a sur un être en discernant soit son intériorité, c'est-à-dire sa capacité subjective, son âme, ses facultés morales, soit en distinguant son apparence physique. Les deux étant assez séparés dans la mesure où, dans la plupart des collectifs qu'on pourrait qualifier d'animistes, il y a une nette distinction entre l'intériorité et la dimension physique, au point que le corps est souvent appelé par un terme qui, dans la langue, désigne le vêtement. Autrement dit, chaque intériorité, chaque âme, si vous voulez, chaque subjectivité peut endosser ou retirer un corps à loisir. Et la métamorphose, c'est l'aptitude que l'on a à discerner dans un être soit son intériorité, soit son apparence physique, et à basculer de l'un à l'autre. Et cette aptitude, elle est particulièrement nette dans les images, où la plupart du temps, elle s'exprime sous la forme d'une commutation. C'est-à-dire qu'on aura par exemple un masque, qui est un demi-masque, plus exactement un masque dans lequel, qui est séparé par une ligne imaginaire, de part et d'autre, d'un axe central, avec d'un côté la face d'un animal et de l'autre la face d'un humain. Et la face de l'humain, ce n'est pas un humain qui est déguisé dans l'animal, c'est le côté humanoïde de l'intériorité, de la subjectivité de l'animal. Et on peut passer de l'un à l'autre en basculant son regard de l'un à l'autre. C'est comme s'il y avait une ambivalence inscrite dans l'image elle-même. C'est plus qu'une ambivalence, c'est la capacité de commuter d'un point de vue à l'autre. Et ça, c'est un processus très abstrait. Et les masques, en particulier les masques animistes en tout cas, rendent possible cette commutation. Mais est-ce que vous êtes devenu, par vos travaux d'ethnographe, d'ethnologue, capable de voir les images comme les voient les hachoirs? Ou est-ce qu'il y a encore de l'incertitude? Est-ce que vous avez réussi à épouser ce regard? Je me suis efforcé de le faire, bien sûr, mais ça demande un long apprentissage et ça demande en particulier de se défaire des habitudes visuelles que l'on a pu acquérir dans sa propre civilisation, de façon à ne pas faire d'impair, si vous voulez. Je vais prendre un exemple encore une fois. Comment distinguer une métamorphose d'une chimère? C'est-à-dire, une chimère, c'est un être qui est composé de différents éléments, dont certains peuvent être humains ou animaux, et qui témoigne d'une façon très différente de voir les choses, que j'appelle analogiste, et qui est fondée sur l'idée que de très nombreuses qualités du monde peuvent être reliées par des principes ou des réseaux de correspondance. Et la chimère exprime bien cela, justement. Mais à première vue, il est difficile de distinguer ces masques qui permettent la commutation d'une chimère. Et donc on doit être très attentif au fond à ce que le masque ou la statue ou l'image figure. Et surtout être informé des conditions de fabrication et des usages auxquels ces images sont destinées. Et donc, mais c'est un travail personnel où vous interrogez ces personnes pour essayer de leur faire dire ce qu'elles voient? J'interroge et surtout des textes qui ont été écrits par des ethnologues, parce que n'ayant fait du terrain que dans deux parties du monde distinctes, je n'ai par connaissance directe que d'une faible connaissance de la totalité des façons de faire des images. Oui, donc je fais confiance. Votre livre fait 700 pages. Oui. Il est d'une érudition absolue. Donc je fais confiance à ce que d'autres... Il m'a coûté un week-end. Vous êtes un lecteur rapide. Bah, j'étais obligé. Donc je fais confiance à ce que les ethnographes décrivent. Et c'est le principe même de l'activité scientifique en anthropologie, c'est-à-dire que comme on ne peut pas tout connaître par connaissance directe, et en général dans les sciences, on fait confiance à ce que d'autres ont tiré comme conclusion. Mais est-ce que vous avez fait l'inverse? Est-ce que vous avez montré des images de chez nous, si j'ose dire, à des hachoirs, par exemple? Est-ce que vous leur avez montré, par exemple, une photographie d'une voiture, pour voir leur réaction? Alors, ils sont intrigués, et assez rapidement indifférent. C'est-à-dire que les codes, effectivement, imagés, étant si différents, ils reconnaissent le référent, c'est-à-dire ils reconnaissent pour autant qu'ils ont entendu parler de ces choses étranges que sont des machines sur quatre roues qui sont autopropulsées. Mais ils n'en ont, la plupart d'entre eux à l'époque, n'en avaient jamais vu. Donc il s'agissait d'expliquer ce que c'était, et de la même façon j'ai fait ça avec les avions, parce qu'ils connaissaient les petits avions des missionnaires qui atterrissaient à l'occasion sur une piste de fortune, mais ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait des avions gigantesques qui contiennent des centaines de personnes. Et donc, vous dites que ça les laisse indifférents, on aurait pu plutôt imaginer qu'il y a un effet de sidération. Non, c'était la même chose avec la musique. J'avais amené rock. J'avais amené de la musique classique, des cassettes et du Mozart, par exemple. Et au début, ils écoutaient poliment pendant quelques secondes, et puis ça les laissait complètement indifférents. Comment vous expliquez ça? Je pense que le contexte d'actualisation de ces images ou de ces sons étant totalement étranger à leur vie quotidienne, ils étaient dépourvus en somme des critères d'interprétation qui auraient permis de leur donner un sens. Donc on ne peut pas dire que Mozart ait produit une musique qui soit universellement considérée comme sublime. Pas chez les Hatchoirs, en tout cas. J'étais très déçu de voir, en effet, leur indifférence. L'universel se restreint. L'universel se restreint. Oui, c'est la grande leçon que les anthropologues peuvent tirer. Vous l'avez évoqué dans votre introduction. C'est la grande leçon. D'humilité. Oui, d'humilité que les anthropologues retirent de leurs expériences ethnographiques. C'est que le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée, contrairement à ce que décrit Descartes, mais chaque civilisation a une forme de bon sens qui peut être traductible dans une autre forme, c'est à ça que nous servons nous les anthropologues, mais qui n'est pas universalisable. Philippe Descola, vous participez, je vous en remercie, à cette série sur l'imaginaire que nous déployons pendant tout cet été. Donc je voudrais revenir à l'image, à la peinture par exemple. Vous citez dans votre livre Léonard de Vinci qui disait que la peinture est une chose mentale. Est-ce que ça rejoint ce que vous venez de dire ou est-ce qu'il parlait d'autre chose? Ah non, ça. Parce que lui voulait faire de l'art, ce qui n'est pas le cas des Hatchoirs. Est-ce qu'il voulait faire de l'art? C'est une bonne question. Je pense qu'il voulait figurer des choses, probablement. Cette doublure d'invisible qu'évoquait Merleau-Ponty, il l'a fait avec une très grande dextérité. Et je crois que cette idée que la peinture, en général la figuration, est une chose mentale, peut s'interpréter comme étant le fait que les images donnent à voir des inférences quant aux qualités du monde, qui excèdent au fond dans leur complexité tout ce qu'on peut en dire. Et c'est pourquoi écrire un livre même de plus de 800 pages sur les images est un crève-cœur. J'ai dit 700 pages parce que j'ai pas compté les notes. Il y a plus de 100 pages de notes. On est toujours frustré au fond lorsqu'on commente une image de ne pas pouvoir la saisir complètement. Ni dans toutes ses expressions et les manifestations qu'elle peut susciter chez ceux qui la regardent. Donc oui, c'est une chose mentale. Sans aucun doute, c'est comme ça en tout cas que je l'ai appréhendé. C'est pour ça que je citais Léonard. Oui. Philippe Descola, il y a dans Mythologie, le livre de Roland Barthes, il y a une phrase sur l'image pour laquelle j'aimerais avoir votre sentiment, parce que j'ai l'impression qu'elle dit le contraire de ce que vous expliquez là. Roland Barthes écrit « L'image est plus impérative que l'écriture, car elle impose sa signification d'un coup, sans l'analyser et sans la disperser. » Or, vous dites le contraire. C'est que l'image, elle disperse autour d'elle des choses qu'on n'y voit pas. Des choses qu'on n'y voit pas si on essaye de s'attarder à ce qu'elle montre au-delà du référent immédiat qu'elle vous assène en quelque sorte. C'est-à-dire si on prend en considération, par exemple, ce qu'elle montre et ce qu'elle omet de montrer. Ce qu'elle omet de montrer est très important. En fait, il faut regarder des familles d'images à l'intérieur d'un même ensemble. Et pas une image seule, et elle construit aussi des espaces visuels, elle met en évidence des processus, je parlais tout à l'heure de commutation, on pourrait parler aussi de correspondance, de métarrelation, elle le fait de façon soit iconique, soit indicielle, c'est-à-dire en semant des traces qui renvoient à d'autres traces, qui renvoient à d'autres traces, etc. Et donc, les très nombreuses fonctions que les images remplissent font que, au-delà de la première approximation qu'évoque Roland Barthes, de ce qu'elle vous jette au visage, en quelque sorte, il y a ensuite des couches et des couches et des couches de signes et de processus et de façon de fonctionner comme un agent de la vie sociale. C'est une chose qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce livre. Qui rend effectivement l'image comme une sorte de puits sans fond. Moi, la façon dont je comprends la phrase de Roland Barthes, c'est l'explication de physicien, c'est que souvent une image de science démontre le contraire de ce qu'elle montre. Par exemple, si on prend un cliché de chambre à bulles qui laisse voir des traces curvilignes que laissent les particules dans un liquide qu'on a mis sous pression, on a l'impression que les particules sont des petits corpuscules, des petits grains de matière qui se propagent avec une trajectoire bien définie. Or, pour comprendre ces trajectoires, il faut, en physique quantique, les décrire comme des ondes. C'est-à-dire le contraire de l'apparence qu'elles ont dans l'image. Et donc, l'image, finalement, démontre le contraire de ce qu'elle montre. C'est comme ça que j'entendais sa phrase. Mais j'ai l'impression qu'elle ne vaut pas pour les ethnologues. On peut dire la même chose, je pense, pour des images... en neuroimagerie, un Américain s'est amusé à faire l'expérience suivante avec des images de tomographie par émission de positons. Les valeurs des couleurs sont arbitraires, c'est-à-dire que le résultat qu'on a, ce sont des résultats numériques qui sont ensuite transformés en images. Et en fonction des choix que l'on fait, des couleurs que l'on va donner à telle ou telle valeur, on obtient des images qui sont complètement différentes. Il a donc publié une image exactement de la même du même référent, c'est-à-dire d'une tranche d'un cerveau, sous la forme de 50 images différentes, parce que les choix de couleurs avaient été à chaque fois différentes. Et donc l'image trompe aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles elle est aussi fascinante pour les humains, c'est-à-dire qu'elle peut inciter à y voir autre chose que ce que l'on y voit. Elle peut aussi, je prends l'exemple de l'animisme, une façon de faire voir ce processus de commutation entre l'intériorité et la dimension physique consiste à se couvrir de peinture en imitation approximative d'un animal, de façon à ce que on ait une sorte de conscience par éclipse de ce que l'on voit sur un corps nu sur lequel l'apparence d'un animal a été dépeint. Par éclipse, on y voit un animal et par éclipse, on y voit un humain. Et donc c'est là-dedans qu'est la métamorphose, au fond. C'est-à-dire, c'est sur la tromperie incomplète que l'image propose. Et il en va de même avec l'iconicité qui est caractéristique de la tradition européenne des images, la mimésis. L'imitation, elle est plus ou moins réussie, mais elle ne doit jamais être complètement réussie, parce que si elle est parfaite, à ce moment-là, il y a le danger de confondre l'image avec son référent. Mais est-ce que tout désir de produire une image procède d'un souci d'imitation ? Non, parce que, ou plus exactement, il faut prendre l'imitation ou la ressemblance dans un sens extrêmement large. Il y a l'imitation iconique, c'est-à-dire on essaye de figurer un certain aspect, c'est-à-dire la forme, la couleur par exemple, mais l'imitation est toujours incomplète, on n'aura ni le son, on n'aura ni l'odeur, on n'aura pas le mouvement non plus, si ce sont des images fixes. Mais on peut aussi envisager une forme d'imitation qui est plus subtile. Je pense ici aux images des rituels du centre de l'Australie, dans lesquels des danseurs viennent incarner les prototypes totémiques qui sont à l'origine des humains et des non-humains à l'intérieur d'un groupe totémique. Et ces danseurs font quelques mouvements assez simples, mais ce qui est intéressant, c'est que pour désigner ce qu'ils sont, c'est-à-dire des prototypes totémiques, on n'essaye pas d'imiter ce qu'on pourrait imaginer qu'a été le prototype totémique, mais on dépeint sur leur corps le trajet qui a été celui du prototype totémique à la surface de la Terre. Autrement dit, ce sont des traces indicielles, c'est-à-dire c'est la forme encore frémissante d'une action jadis accomplie que l'on va reproduire sur un corps humain. Et la ressemblance est fondée là-dessus. Donc elle n'est en aucune façon mimétique. C'est l'une des nombreuses façons de produire de la ressemblance. C'est pour ça que c'est une façon de... Il faut être prudent avec ce terme de ressemblance. Le mythe d'origine de la peinture en Europe, ce sont ces deux peintres qui sont en compétition et qui font une sorte de duel. L'histoire que raconte Pline. Oui, c'est exactement. Et donc, l'un d'entre eux... Pline l'Ancien, et l'un d'entre eux, figure des raisins. Sur lesquels qui attirent des oiseaux qui viennent les picorer, et le deuxième a peint quelque chose qui est protégé par un rideau de gaz, et donc le concurrent dit ben montre-moi ce que tu as fait, et en fait il s'efforce d'ouvrir le rideau qui était à une peinture. Et donc le premier avait trompé des oiseaux, le deuxième a trompé le regard d'un peintre, ce qui est beaucoup plus difficile. Le jury l'a trompé. Qui a gagné d'ailleurs, je ne me souviens plus. Bah, le deuxième ouais, voilà. Bien sûr, c'est celui qui a lité le voile. Mais est-ce qu'il peut y avoir des images dans les cultures que vous avez étudiées, dans les groupes humains que vous avez étudiés, qui ont été produites simplement pour produire de la beauté? C'est-à-dire, il n'y a rien à comprendre, sauf à dire que c'est beau. Alors c'est quelque chose de c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple, parce qu'il faut savoir à chaque fois qu'est-ce qu'on appelle le beau. Qu'on appelle le beau, si la notion existe même. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que dans certains cas oui, mais ça n'est jamais exclusivement à des fins esthétiques. Il y a une société de Mélanésie, les Sulca, dans laquelle les fabricants de masques font des masques qui sont absolument spectaculaires, qui avaient d'ailleurs séduit André Breton lorsqu'il les a vus au Field Museum à Chicago. Il était absolument subjugué. Et les spectateurs sont en droit d'exiger du fabricant du masque une compensation lorsqu'ils ont été émus, en quelque sorte, par ces masques. C'est-à-dire, ils font payer l'intromission subreptice dans la subjectivité esthétique du spectateur que le fabricant du masque a réussi à opérer. Donc, c'est un cas parmi d'autres où la beauté, c'est-à-dire l'émotion que suscite la vue d'une image est clairement identifiée et en l'occurrence considérée de façon presque négative, c'est-à-dire elle force en quelque sorte l'émotion, elle force les affects et c'est une intromission insupportable. Mais vous, personnellement, Philippe Descola, est-ce que vous êtes capable de comparer les émotions que vous ressentez lorsque vous voyez une œuvre d'art dans un musée ici en Occident à celles que provoque peut-être parfois des images produites par ces groupes humains? Est-ce que c'est des émotions comparables ou est-ce qu'elles s'appuient sur des fondements, si j'ose dire, qui sont différents? Ça dépend ce qu'on entend par image. Moi, je prends image dans un sens très large. Et par exemple, les images animistes, ce sont essentiellement des images d'esprit. C'est-à-dire, ce sont des corps humains qui figurent des esprits, le font de façon... Il y a aussi ça en Occident, il y a des peintures, disons, religieuses qui essaient de figurer des esprits, ou une âme, ou... Oui, mais en l'occurrence, ce sont des entités en Occident que l'on assemble à l'intérieur d'une scène de l'histoire chrétienne pour donner vraisemblance à ce que la description de cette scène dans un texte a pu mentionner. En l'occurrence, dans les images animistes, il s'agit de convoquer des esprits pour les faire participer à la vie sociale au quotidien. Donc l'image n'est pas celle que l'on peut voir dans un musée. C'est-à-dire, vous voyez un masque dans un musée, mais il est complètement dépourvu de la vie qui l'anime lorsqu'il est porté par une personne dans des circonstances particulières, avec le bruit, la musique, la poussière, la semi-obscurité, des choses comme ça. Je comprends, mais les images, en l'occurrence, elles se trouvent où? elle se trouve dans l'œil du spectateur qui transforme ce qu'il voit ou plus exactement ce qu'il voit est une image parce qu'il transforme ce qu'il voit en support d'une présence. Philippe Descola, dans un de vos livres, je ne sais plus lequel, je dois dire, je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais je crois qu'il y a un livre dans lequel vous écrivez que exister pour un humain, c'est différer. Je crois que c'est dans Par-delà nature et culture. Oui. Et là, ma question, c'est qu'entendez-vous par là ? Vous dites différer, mais différer de quoi ? Des autres ? Différer les uns des autres, c'est-à-dire... Et se singulariser ? Non pas tant se singulariser pour se singulariser que offrir... un spectacle du monde fondé sur une grande diversité de manières de vivre la condition humaine et de faire monde. C'est une citation de Tarde, si mes souvenirs sont bons, exister c'est différer. Et au lieu de chercher des explications en anthropologie, et je suis en cela ce que nous a proposé Claude Lévi-Strauss en cherchant les ressemblances entre des phénomènes, je m'intéresse à la façon systématique dont les choses diffèrent entre elles. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus stimulant et qui correspond d'une certaine façon au goût pour le monde que j'ai pu développer au fil du temps, c'est-à-dire au goût pour la diversité des choses. Diversité des images, diversité des langues, diversité des façons de faire, diversité des façons de s'orner, de s'habiller, des institutions, etc. Rien n'est plus triste qu'un monde monotone et un monde qui va en permanence offrir à nos sens et à notre esprit des formes extrêmement diverses d'expression est un monde infiniment préférable. Justement, vous parlez de Lévi-Strauss et il a écrit quelque part que les régions du monde ont ce qu'il appelle des personnalités qui résonnent plus ou moins avec la nôtre. Quelles sont les régions du monde qui ont des personnalités qui devraient davantage entrer en résonance avec la nôtre ? Ah bah, c'est-à-dire avec la nôtre, lui, il parle à titre personnel. Avec la nôtre au sens de la nôtre européenne. Je pense que il décrit là un phénomène profond de l'identification d'un anthropologue avec un certain type de culture qui le conduit à choisir plutôt telle ou telle région du monde. Alors, je vous pose la question à vous. Quelle est la région où vous vous sentez bien ? Alors, mieux qu'ailleurs. Si je suis allé en Amazonie, c'est en particulier pour cette raison-là. J'avais le choix entre aller en Afrique de l'Ouest, aller en Asie, et j'ai préféré l'Amazonie précisément en raison de l'imprévisibilité des comportements. Une chose qui me frappait quand je lisais la littérature ethnographique sur l'Afrique, c'était le caractère extrêmement organisé, peut-être trop organisé, des institutions sociales. En Asie, c'était le caractère aussi complexe et l'intrication entre... L'intrication, c'est un terme de physique, attention. c'est l'intrication des différents aspects de la vie sociale qui est présente partout, mais qui est en Asie du Sud-Est, par exemple, ou en Asie centrale, demander des connaissances extrêmement diversifiées, à la fois sur le plan des institutions sociales, sur le plan de la religion, sur le plan d'une connaissance parfois de textes anciens, etc. Alors que l'Amazonie était quelque chose de beaucoup plus ouvert, de plus accessible à des sortes d'intuitions élémentaires. Et c'est ça qui m'avait... Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des régions qui vous intéressent, que vous n'avez pas encore visitées, mais... Alors, j'ai été tenté un moment par la Mélanésie, parce qu'il y a, je pense, des analogies profondes entre la Mélanésie et l'Amazonie. Mais j'ai jamais eu l'occasion de faire un terrain. Faire un terrain, c'est quelque chose... C'est une drôle d'expression, ça, faire un terrain. Oui, c'est l'expression de métier, si je puis dire. C'est comme on fait une expérience. Hein. On fait un terrain, ça veut dire que on passe plusieurs années dans un endroit et on essaye de se couler dans les habitudes locales. Je crois que les gens qui font des fouilles disent la même chose. Oui, oui, bien sûr. Ils font un terrain. Ils font un terrain, oui, oui. Et quand on revient d'un séjour prolongé, je sais pas. Pour vous, ça a été, je crois, plusieurs... C'était presque trois ans, le premier séjour. Et quand on rentre, on est un peu comme un cosmonaute qui atterrit. Vous racontez d'ailleurs dans... Alors encore une fois, je ne sais plus dans quel livre. Vous racontez, lorsque vous êtes rentré de votre long séjour chez les Achoirs, vous avez été complètement perdu quand il s'est agi pour vous d'aller acheter une paire de chaussettes. Il y avait trop de choix. Oui, ce qui frappe, en effet, c'est le mercantilisme, si je puis dire. C'est-à-dire une accumulation infinie de richesses, d'objets qui peuvent s'acquérir et s'échanger les uns contre les autres, et qui fait qu'on a peine à percer, ou plus exactement avoir un accès direct aux gens sans la médiation des objets. Et, qu'est-ce que vous pensez du numérique, alors ? Il change justement notre relation aux autres d'une façon révolutionnaire. Alors, je saurais pas vous répondre de façon péremptoire, parce que je l'utilise que pour des raisons ancillaires, c'est-à-dire pour communiquer avec des personnes qui sont loin. Il est possible que l'intelligence artificielle transforme les relations entre les personnes et qu'elles conduisent aussi à des opérations intellectuelles inédites. Mais je n'en suis pas plus... Et comment vivent aujourd'hui les Achoirs ? Est-ce qu'ils ont accès à ces moyens de communication modernes ? Certains d'entre eux, oui. Ça les a changés ? Est-ce qu'ils les utilisent comme nous ? Ou est-ce que... Ils les utilisent pour communiquer entre eux, à distance, mais certains d'entre eux continuent à apprécier la vie en forêt, à pouvoir chasser, à pouvoir rêver, à pouvoir communiquer avec les esprits du gibier. Les instruments de communication n'ont pas profondément transformé de ce point de vue-là des manières plus traditionnelles, des comportements plus traditionnels que tels que ceux que j'ai pu observer. Je trouve ça incroyable. Parce que déjà chez nous, c'est une transformation radicale, alors même qu'on aurait été plus préparés sans doute. Ce que ça a suscité, c'est du fait de la scolarité, de la scolarisation. Maintenant, il y a des petites écoles un peu partout avec un enseignement bilingue. C'est que le type de savoir qu'on pouvait acquérir au fil des jours avec ses parents ou ses pères est devenu inaccessible du fait du temps passé à l'école. Et donc, un certain type de connaissance s'est effiloché. Et le paradoxe, c'est que quand je reviens maintenant sur le terrain, les jeunes me disent « tu devrais nous apprendre ça ou ça parce que nos pères ou nos mères ont omis de le faire et que le passage par l'école a effacé au fond ce type de connaissances. » C'est un triste paradoxe, à savoir que certains... On demande à l'ethnologue de rappeler des connaissances que les ancêtres avaient, que non plus. Voilà, certains types de savoirs maintenant ont disparu, mais c'est une expérience qui est assez commune pour beaucoup d'anthropologues, et ces savoirs disparus, heureusement, subsistent dans les livres des anthropologues. Et c'est le cas, par exemple, en Amérique du Nord, où une excellente ethnographie du début du XXe siècle, publiée par la Smithsonian Institution, est venue alimenter en quelque sorte un retour réflexif sur des savoirs qui, à l'heure actuelle, ont disparu par tradition orale, mais qui sont encore accessibles par les textes. Philippe Descola, j'ai une question personnelle encore. J'ai lu que vous définissiez l'ethnologue comme un badaud professionnel. Oui. Or, quand on vous lit, on découvre que vous n'êtes pas du tout un badaud, vous êtes même le contraire, vous n'avez jamais été un badaud. Vous êtes un travailleur acharné, on pourrait dire. Donc, qu'est-ce qui différencie un badaud professionnel d'un badaud tout court ? Alors, d'un badaud amateur ? Je suis un... je suis un travailleur acharné en ce sens que je suis un paresseux contrarié. C'est-à-dire que je me mets toujours dans des situations où je ne peux pas faire autrement que de travailler. Parce que si je suivais ma pente naturelle, j'aimerais continuer à observer le monde, les mains dans les poches, et sans en noter tous les aspects, comme les ethnographes le font. Un badaud professionnel, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la diversité du monde et qui fait de ça un métier. Mais évidemment, à partir du moment où il en fait un métier, il devient moins badaud parce que il est, si je puis dire, condamné à n'observer qu'une petite fraction du monde. Et cette expérience du badaud, on peut la poursuivre, comme je le fais, comme le font beaucoup d'anthropologues, en lisant d'autres badauds qui observent d'autres parties du monde et en tirant un grand plaisir, et un plaisir qui est en particulier stimulé par le fait qu'ayant soi-même traversé ce genre d'expérience, on sait très bien, en lisant un autre ethnographe, dans quelles conditions il a pu observer telle ou telle chose, même si ça n'est pas mentionné, parce qu'on l'a fait soi-même. Vous dites qu'il y a une sorte de toi-bohut ethnographique, et vous avez voulu y mettre de l'ordre, on pourrait dire, c'est le cas dans « Par-delà nature et culture », où vous distinguez quatre modes de composition des relations entre les humains et les non-humains, dont je les rappelle, l'animisme, le naturalisme, l'autotémisme et l'analogisme. Est-ce que ça couvre tout ? Je pose la question parce que les physiciens tentent de faire une théorie du tout, qui soit absolument complète, qui n'oublie rien. Est-ce qu'on peut être sûr qu'une classification en quatre modes est complète ? Alors, elle n'est... Je ne sais pas si elle est complète, en tout cas, elle m'a permis de mettre de l'ordre dans ce tohu-bohu de façon un peu systématique, et en partant aussi de l'idée que certaines formes sont des hybridations entre plusieurs façons de faire monde. On peut être un peu animiste et un peu naturaliste. On peut être un peu animiste et un peu... Parce que toutes les inférences sur lesquelles ces façons de faire monde sont fondées sont universelles. Vous pouvez, à certains moments, prêter une intériorité à un non-humain en observant un oiseau ou une plante avec qui vous sentez de l'empathie, ou au contraire un artefact cognitif comme un ordinateur qui tout d'un coup vous lâche au pire moment et vous ne pouvez pas vous empêcher de prêter une bonne ou une mauvaise intention en quelque sorte à ces non-humains. Donc ça, c'est une aptitude que nous avons tous, mais dans le cadre de l'animisme, elle est systématisée. Et de la même façon, les atchoirs peuvent être naturalistes dans certaines circonstances, c'est-à-dire penser qu'il y a phénomènes qui sont définis uniquement par des séries de propriétés physiques qui s'enchaînent les unes des autres, mais ça n'est jamais systématisé chez eux comme ça l'a été chez nous à partir, dans les textes en tout cas, de la révolution scientifique. Donc ces inférences, elles peuvent se combiner, et quelquefois se combiner de façon systématique dans les formes du visible. J'en examine plusieurs exemples, et notamment un exemple de la côte du nord de la côte pacifique du Canada, des Amérindiens qui s'appellent les Tsimshian, et qui produisent des images et qui sont à la fois, enfin pas à la fois, certaines images qui sont totémiques et d'autres images qui sont animistes. Et en fait, leur façon de faire monde combine étroitement ces deux régimes. Donc il y a des formes de d'hybridation, il y a des transitions possibles, il y a des éléments qui apparaissent et qui disparaissent. Et il m'a semblé que si l'on parlait d'hybridation, il fallait au moins savoir entre quoi et quoi les choses étaient hybridées. Si on ne me propose pas un modèle, il est d'abord on ne peut pas le réfuter, et ensuite il est quand il y a des combinaisons, il faut savoir à quel aspect appartient telle ou telle combinaison. Mais parmi ces différents modes de composition des relations entre les humains et les non-humains, est-ce qu'il y en a qui vous semblent menacés par l'évolution du monde ? Ah ben, ou alors toutes ? Pas les naturalistes ? Pas les, les naturalistes sont peut-être au bout d'un cycle. C'est manifeste dans beaucoup de textes et de proclamations qui sortent maintenant, dans lesquelles des jeunes militants disent leur dégoût vis-à-vis du monde, d'un monde dans lequel les humains ont été, se sont séparés et mis en surplomb des autres qu'humains. Et donc ce mouvement d'inquiétude et de désaveu qui est caractéristique de la période contemporaine indique peut-être une transformation à venir de ce qui sera de ce qu'est le naturalisme et de son évolution vers quelque chose d'autre. Donc, il y a aussi des gens qui travaillent dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, qui deviennent animistes, d'une certaine façon. Alors toute la question de savoir quelle est la nature de cet animisme, au fond, c'est-à-dire si on interagit avec... Il y a un très beau roman d'Ishiguro qui s'appelle Clara et le Soleil, qui est l'histoire d'un robot... dans un futur proche, qui est attaché à une petite fille et qui, ce sont les rapports extrêmement complexes entre ce robot, c'est une jeune femme, et cette petite fille, est-ce que c'est de l'animisme au sens classique ? L'animisme, encore une fois, c'est fondé sur des inférences universelles, mais lorsque c'est systématisé, c'est quelque chose d'assez singulier. Ça veut dire que est-ce que vous rêvez la nuit que votre ordinateur vient vous rendre visite sous forme humaine pour échanger avec vous? Ça pourrait venir. Le jour où ça viendra, à ce moment-là, on se rapprochera beaucoup d'un régime animiste, en effet. Alors, le structuralisme est défini par Jean Pouillon. Qui était Jean Pouillon ? Jean Pouillon était un collaborateur de Lévi-Strauss. C'était un quelqu'un qui était toujours resté en marge de l'université et qui a été un collaborateur d'abord de Jean-Paul Sartre. Il était secrétaire général des Temps modernes et il est devenu l'assistant de Claude Lévi-Strauss. Donc, il a toujours voilà rêvé... comment il définit le structuralisme. Il dit « Le structuralisme commence quand on admet que des ensembles différents peuvent être rapprochés, non pas en dépit, mais en vertu de leurs différences, qu'on cherche alors à ordonner. » Donc vous êtes structuraliste. En ce sens-là, tout à fait. Voilà, et ma question était, est-ce que votre façon d'être structuraliste a été modifiée au cours de votre carrière d'ethnologue ? Ah, c'est une bonne question. Je n'ai pris conscience que j'étais structuraliste que tardivement, assez bizarrement. Vous l'étiez à l'insu de votre plein gré. Je l'étais à l'insu de mon plein gré parce que je me rendais pas compte à quel point j'avais été influencé par l'approche de Lévi-Strauss et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire des conférences, des exposés à l'étranger et que des gens me disaient votre interprétation structuraliste pose tel ou tel problème. Et j'étais surpris qu'on me parle d'une interprétation structuraliste parce que je me voyais pas comme un structuraliste orthodoxe. Est-ce qu'elle a changé au fil du temps ? Oui, elle a changé essentiellement autour de la question fondamentale dans le structuralisme de ce que on appelle des groupes de transformation. Une structure, au fond, n'est un invariant que si elle peut se transformer d'une façon ou d'une autre, à l'intérieur d'un groupe de transformation. L'exemple le plus courant, ce sont les mythes que Lévi-Strauss interprète en isolant à l'intérieur d'un mythe des mythèmes, c'est-à-dire des situations ou des qualités prêtées à des choses et qui vont se transformer par inversion, par exemple, en passant dans d'autres mythes où la même qualité va être différente de celle qu'elle était dans le premier mythe. Et donc on peut construire des modèles de transformation de ce type-là qui sont très complexes. On dirait presque un physicien. Enfin, on croit presque quand on est un physicien. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, Philippe Descola. Je vous remercie d'être venu. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je conseille vivement la lecture de votre livre, notamment Les formes du visible. Et puis avant de vous quitter, je vous livre deux petites anagrammes. Une qui est triviale. Image,